J'ai oublié de lancer la guitare. Je suis paumé dans ce monde, tous ces loups-bas. Et voilà, ça décolle. J'ai oublié de brancher ma guitare, ça va faire du bruit, c'est pas bien. Calme-toi, bête. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que tu fais? Ça serait bien de t'accorder sur la bonne guitare. Oh, maman, maman. Jouer de la guitare, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe avec ce son? Je ne sais pas. Est-ce que t'entends la basse? Est-ce que t'entends la basse? Pourquoi y a pas assez de son sous ce preset? C'est mal foutu. Allez, 1, 2, 3, 4. Preset volume. Essayez de l'accorder, pendant ce temps tu peux jouer. Surtout n'hésite pas, c'est toujours pareil. Je vais me faire engueuler. Arrêtez-vous. Ce délai qui ne va pas, c'est quoi ce délai qui ne va pas? Alors on est obligé de faire comme ça. Thank you. Thank you. tellement de trucs qui tournent par rond. C'est à se demander où le monde va-t-on. Y a tellement de fausses notes dans l'évolution. Je me demande où le monde va-t-on. Forcé de constater que je suis né sur la petite terre. Ceux qui la détruisent et la salissent sont donc mes congénères. La mauvaise foi ou la haine qui détruit le plus la terre. Comment vouloir une fin heureuse quand l'homme a asséché la mer, qu'il a fait fondre les glaciers et excité l'effet de serre, qu'il a rasé les forêts pour y construire des tours de verre. Maintenant j'attends l'apocalypse, il y a de la revanche dans l'air. Pour mère nature, fallait pas lui faire injure. Ah non, ça c'est sûr. De la figure, elle rend les coups même les plus durs. Et finalement, petit homme, ce sera bien fait pour ta pomme. Après deux, trois ouragans, l'éruption de quelques volcans, les raz-de-marée de l'océan emporteront ces braves gens. Moi j'arrête sur ces bonnes paroles. Bonne soirée.